Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Science Publique s'inscrit aujourd'hui dans la semaine que les émissions de Culture Science consacrent au changement climatique dans la perspective de la COP21. Pour ce dernier volet, et comme toujours, vos réflexions et témoignages sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Adaptation au changement climatique, quel rôle pour la science ? À partir de lundi 30 novembre et jusqu'au 11 décembre 2015, 147 chefs d'État et de gouvernement seront réunis au Bourget près de Paris pour participer à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, autrement dit la COP21. Comme son nom l'indique, il s'agit de la 21e conférence des parties, dont la première édition s'est tenue à Berlin en 1995. En 1992, le sommet de Rio avait déjà jeté les bases d'une volonté de coopération internationale sur le climat. Cette volonté s'est concrétisée en 1997 avec le protocole de Kyoto lors de la COP 3. Un protocole qui devait être renégocié en 2009 à Copenhague lors de la COP 15. Ce fut un échec en raison du caractère non contraignant en matière d'émissions de gaz à effet de serre de l'accord final. Tout l'enjeu de la COP21 de Paris est donc d'obtenir des participants un engagement contraignant pour limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement de la planète d'ici 2100. Parallèlement au COP, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, travaille depuis sa création en 1988 sur l'élaboration des bases scientifiques du réchauffement climatique. Ces travaux ont abouti à 5 rapports publiés entre 1990 et 2014. Progressivement, le GIEC a augmenté son degré de confiance dans son principal résultat, le réchauffement climatique en cours est engendré par les activités humaines qui produisent des gaz à effet de serre comme le CO2. Pour limiter ce phénomène à 2 degrés Celsius en 2100, l'humanité doit fortement réduire ces fameuses émissions de gaz à effet de serre. C'est donc tout l'enjeu de la COP21. Néanmoins, il apparaît désormais que cet objectif de 2 degrés Celsius a peu de chances d'être atteint. La température à la surface de la Terre va probablement augmenter plutôt de 3 à 4 degrés, et d'où la nécessité, en parallèle des efforts d'atténuation du réchauffement, de nous préparer à nous adapter à la vie sur une planète plus chaude. Les effets du réchauffement climatique ne relèvent donc plus d'un futur lointain. Comme nous l'avons vu dans Science Publique le 30 octobre, les conséquences sont déjà mesurables concrètement en France sur l'agriculture, le débit des fleuves, l'enneigement en montagne ou l'érosion des côtes. Peu à peu, la France, comme de nombreux pays dans le monde, est en train de changer sous l'impact du réchauffement. Ce constat conduit logiquement à assigner peut-être une nouvelle mission au GIEC. Comment la science peut-elle contribuer à élaborer des solutions d'adaptation au réchauffement ? C'est le sujet de cette émission. Pour répondre à la question, nous recevons aujourd'hui, donc, dans Science Publique, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Jean Jouzel, géochimiste, climatologue et glaciologue. Jean Jouzel a été au cœur du GIEC depuis 1994 comme expert, puis comme vice-président du groupe scientifique de 2002 à 2015. Hervé Le Treut est climatologue, membre de l'Académie des sciences, professeur à l'Université Pierre et Marie Curie et à Polytechnique. Il est directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, l'IPSL, et il est également contributeur au GIEC. Ami Dahan est historienne des sciences, directrice de recherche au CNRS, au centre Alexandre Coiré, spécialisée dans l'analyse des relations entre sciences et politique dans le domaine du climat. Je vous rappelle que nous attendons vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science Publique sur franceculture.fr. Alors pour ce premier tour de table, il semble naturel de dire un mot de la COP21 qui s'ouvre donc lundi à Paris et peut-être aussi sur ses chances de succès. Jean Jouzel, bonjour. Bonjour Michel Alberganti. Alors est-il possible de faire un pronostic à ce stade ? Oui, un pronostic peut-être. L'espoir qu'il y aura un accord, c'est pas gagné. Disons la quasi-certitude que cet accord ne sera pas assez ambitieux par rapport à l'objectif auquel tous les pays ont adhéré, de maintenir le réchauffement climatique à long terme en dessous de 2 degrés par rapport au prix industriel, c'est-à-dire 1,5 degré par rapport à aujourd'hui à peu près. L'espoir aussi que cet accord sera accompagné d'une clause de révision qui permettrait d'en remonter l'ambition. Et l'espoir enfin que les pays riches tiennent leurs promesses par rapport aux pays en voie de développement. Promesse qui consiste à, disons, à leur fournir 100 milliards de dollars par an à ces pays pour qu'ils puissent s'adapter et lutter contre le réchauffement climatique à partir de 2020, 100 milliards de dollars par an. Ce sont en gros quelques critères de réussite, il y en a d'autres, hein, le prix du carbone, les transferts de technologies, qui pourraient faire de cette discussion de Paris, en tout cas un succès, lui donner, disons en tout cas, l'idée d'une véritable réussite. Mais ces 15 jours vont être certainement assez difficiles et c'est pas gagné d'avance. Alors, sur l'aspect contraignant, en fait, ça induit qu'on puisse vérifier la réalité des engagements qui peuvent être pris, oui, alors, et donc au-delà de l'intention simple. C'est vrai que quand on qualifie l'accord, alors certains disent équitable, je suis d'accord, bien sûr, ambitieux, moi je pense que c'est le plus important. Alors contraignant, je passe souvent sous silence cet aspect de l'accord, parce que je pense que la contrainte sera difficile à mettre en œuvre. John Kerry en a été, disons, le porte-parole pour les États-Unis, c'est peut-être difficile. Et je crois aussi que cette contrainte viendra finalement du regard que chacun d'entre nous met de plus en plus les réseaux sociaux, les jeunes, disons, porteront sur cet accord. Je pense qu'il sera très difficile pour un pays de rester crédible s'il ne tient pas, en tout cas pas délibérément, les engagements qu'il a pris. Donc ces engagements seront quand même sous le regard de beaucoup de monde et c'est pas si simple de ne pas les tenir. Hervé Le Treut, bonjour. Bonjour. Alors pareil, même question, un peu sur la COP21, votre sentiment ? Oui, il y a beaucoup de choses que je reprendrai à mon compte. Je pense effectivement que c'est une conférence qui est différente parce qu'elle a été préparée, je pense, avec beaucoup plus de soins, d'anticipation que les autres. En particulier, tous les États ont fait ces propositions qui sont maintenant sur la table. Je crois que c'est la première fois qu'on a un exemple de... Je crois que quelque chose comme 160 États qui ont rédigé un texte pour dire ce qu'ils pensaient faire, à quoi ils étaient prêts à s'engager. Et ils l'ont fait souvent après des débats internes, alors qui dépendent beaucoup de leur configuration politique ou de leur état institutionnel. Mais très souvent, ces débats ont été animés. Donc les textes n'ont pas été écrits à la légère. Et quand on les analyse, on a commencé à faire ça, on voit que c'est quand même une inflexion très significative des émissions de gaz à effet de serre, même si les chemins du degré, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, et on n'y est pas avec ces contributions-là, il faudrait plus. Il faut voir que ce que réclame le GIEC pour rester sous les 2 degrés, c'est quelque chose quand même d'extrêmement fort, hein. C'est de 40 à 70% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2050, dans 35 ans, et puis s'être pratiquement débarrassé du charbon, du pétrole et du gaz naturel à la fin du siècle, alors que c'est 80% de nos ressources énergétiques aujourd'hui. Donc, passe à ces enjeux qui sont extrêmement exigeants. Je crois aussi qu'il y a un autre critère de réussite pour la COP, c'est de mettre en jeu une dynamique qui aille au-delà de la COP elle-même, de cette COP elle-même. C'est derrière de permettre effectivement de mettre en route un mouvement qui se continue au-delà de la conférence de Paris. Amine Dahan, bonjour. Bonjour. Alors voilà, après ces deux points de vue, quel est le vôtre sur la COP21 ? Bon, il est normal que je donne une petite note un peu différente. Je crois qu'il est vrai que pour la première fois, c'est un accord ou en tout cas une conférence à laquelle tous les pays du monde participent et vont avoir à signer, à s'engager. Ça, c'est très nouveau par rapport à Copenhague et antérieurement où c'était seulement les pays développés du Nord. Donc ça, c'est le point positif. Tous les pays ont présenté leurs promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les donnent. On dit qu'ils les croient en général. Qu'ils les croient. C'est-à-dire que, effectivement, malheureusement, ce processus nous a donné l'habitude de constater quelques années après qu'il y a souvent des divorces entre les actes et les paroles et ce qui avait été annoncé, les paroles. Et donc, pour que ce ne soit pas le cas, pour que véritablement des rails nouveaux soient empruntés par ce processus, il faut vraiment, et là je rejoins mes collègues et amis, c'est que vraiment la question de la clause de révision et d'examen des promesses soit intégrée au noyau le plus dur de l'accord. Et il y a des indices qui sont encourageants de ce point de vue-là. La Chine a envoyé un signe, clairement, notamment dans sa dernière déclaration au moment du voyage du président français, comme quoi elle acceptait une clause de révision, pas forcément d'ambition croissante, pas forcément, mais au moins si c'est scruté avec transparence, par des experts. Et donc là, on reparlera un peu du rôle aussi du GIEC ou de nouvelles commissions d'experts pour scruter comment les pays mettent en œuvre leurs promesses. Ce que vous appelez clause de révision, c'est cet accord justement qu'on qualifie souvent de contraignant ou pas. Non, c'est pas ça. Donc, dans ce qui va être annoncé, il va y avoir dans le meilleur des cas, il y aura l'engagement d'être sur une trajectoire de 2 degrés, mais ça, c'est un engagement pour les 10-15 ans à venir. On ne dit rien sur les décennies qui vont suivre. Et donc, il faut déjà, en plus, on sait très bien, et ça, mes collègues le savent mieux que moi, c'est que si on perd du temps, si on prend des décisions qui ne vont pas dans le bon sens, 5 ans après, l'objectif est encore plus difficile à atteindre, etc. Donc, il faut surveiller, il faut scruter, il faut que les pays acceptent cela. Enfin, en tout cas, se prêtent à cet exercice. Et jusqu'ici, c'était principe de souveraineté oblige, quasiment impossible. Donc là, ce serait très nouveau qu'il y ait cela. En même temps, cette COP a lieu tous les ans. Donc, il est relativement possible, on imagine, d'avoir un suivi de ce qui aura pu être décidé à Paris. Il faut que ce soit prévu, parce que ça va pas de soi, et on peut pas faire ça tous les ans non plus, parce que c'est un énorme exercice, à la fois d'expertise, de voir exactement, d'examiner les politiques des pays, et puis surtout de négocier sur les bonnes questions, parce que, je crois qu'on va parler après d'adaptation, mais tant qu'on est sur la question des réductions, il faut savoir si, par exemple, le déplacement du centre de gravité des bouquets énergétiques de chaque pays, comment il s'opère, quels investissements se font, où est-ce qu'on va, comment, etc. Et on a l'habitude de l'examiner après coup et de constater des divergences catastrophiques. Alors, est-ce que cette révision, est-ce qui quand même induit une forme de contrôle, est envisageable aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des structures pour le faire, Jean-Joseph? Ça va être un des points importants de l'accord. Est-ce que cet accord, avec les contributions telles qu'elles seront, on ne peut pas trop espérer qu'elles soient, disons, modifiées à la hausse pendant cette conférence, peut-être un peu, mais il faut que cette révision ait lieu de façon transparente, comme l'a dit Ami. Donc l'idée actuellement, c'est de faire une révision tous les 5 ans. Bon, c'est pas signé, mais enfin, disons, dans les négociations, dans les pré-négociations, on parle d'une révision à horizon 2020, c'est peut-être un peu tard. Peut-être aurons-nous à ce moment-là le 6e rapport du GIEC, donc c'est important également. Mais cette révision n'a de sens que si entre aujourd'hui et 2020, eh bien, il se passe des choses. Alors, ce qui peut se passer de bien, ça serait de donner un véritable prix au carbone pour vraiment, disons, lancer, booster les énergies renouvelables. Il faudra aussi un soutien très fort à la recherche, à l'innovation, pour que du côté des solutions, celles-ci, disons, émergent plus facilement à horizon 2020. C'est une des différences entre Copenhague et aujourd'hui. Disons, en gros, on voit peut-être un peu mieux les solutions. Elles n'en sont pas encore là, mais on les imagine mieux qu'on les imaginait il y a une dizaine d'années. Hein, donc, ça n'a de sens que s'il y a des choses qui se passent en dehors, par exemple. Et puis, bien sûr, c'est un problème d'investissement. Il faudrait que tous les investissements à partir d'aujourd'hui se fassent dans une stratégie, en tenant compte de cette perspective, de cette nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est tout le tissu économique qui doit se mettre en marche, mais je suis tout à fait d'accord avec Hervé, ce qui est déjà sur la table, c'est très significatif. Il y a déjà une mise en marche, donc ça c'est un signe d'espoir. Alors justement, est-ce que, Hervé Le Treut, il est possible de calculer avec les engagements, enfin les promesses qui ont été faites par tous ces États, donc en préalable à la COP21, est-ce qu'il est possible de tracer la courbe résultant de ces engagements ou de ces promesses? Alors, la courbe... Vers quoi allons-nous alors? Oui, là, il y a une difficulté qui est pas souvent relevée dans les journaux, c'est que les promesses des États sont des promesses sur la période 2020. Alors pourquoi 2020? Parce que le protocole de Kyoto s'applique jusqu'à 2020 et ce qui va se négocier à Paris, c'est à partir de 2020 jusqu'à 2030. Et dans certains cas, comme les États-Unis, les engagements, les propositions qui ont été mises sur la table s'arrêtent à 2025. Donc ce que l'on a, les propositions qu'ont fait les États, c'est pour une période qui est courte. Quand on parle de rester sous les 2 degrés, on parle de quelque chose qui est en fin de siècle. Donc entre 2030 et la fin du siècle, on peut faire des hypothèses, du genre les pays qui ont pris des engagements forts au début seront les mêmes qui prendront des engagements forts à la fin. Mais enfin, c'est des hypothèses qui sont quand même un petit peu difficile à faire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que aujourd'hui les engagements, alors c'est des contributions, des propositions qui ont été faites par les États, qui peuvent devenir des engagements, nous mettent sur une trajectoire qui est a priori possible pour la fin du siècle. Et la possibilité dépend de deux facteurs. D'abord, le système climatique répond avec une certaine incertitude aux émissions de gaz à effet de serre. On a une petite marge, c'est pour ça qu'on parle de 40 à 70% de réduction au milieu du siècle. Et puis ensuite, ça dépend de si on fait des efforts plus tôt, plus tard, si on se laisse, comme dit Amina, dériver un petit peu avec un rattrapage qui est très difficile parce que le CO2 reste très longtemps dans l'atmosphère. C'est une contrainte qu'il faut aussi avoir en tête. Donc, comme il reste très longtemps dans l'atmosphère, alors on dit la moitié est toujours présente au bout d'un siècle, c'est un petit peu comme une bouteille qu'on remplit, qui se vide pas vite. Il y a un moment où ça devient très difficile. Et on est en train d'atteindre ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a émis plus de la moitié de ce à quoi on avait droit, et au rythme où on va. Donc, dans droit 20... pour garder les 2 degrés. Pour garder les 2 degrés. Et aujourd'hui, avec un taux de, avec un taux de chance sur, raisonnable de l'ordre de 2/3. Et donc, aujourd'hui, en 20 ans, on pourrait se trouver dans une situation où ça devient presque impossible. En 20 ans d'émissions comme aujourd'hui. Donc, le facteur temps joue de manière très forte. Donc, c'est très difficile de dire ce qui va se passer en 2100. En même temps, moi, ma question, c'était par rapport aux chiffres qui sont annoncés. Alors, est-ce qu'il y a une inflexion significative de la courbe? Elle nous ramène sur les courbes que le GIEC établit comme possibles par rapport à l'objectif de 2, je dirais de moitié à peu près. C'est-à-dire on fait la moitié du chemin pour essayer d'aller vers ces courbes-là. C'est de cet ordre de grandeur. Hein. C'est de cet ordre de grandeur. Donc si on poursuivait la courbe, on serait plutôt autour de 3 degrés ou 3,5. Ça n'a pas beaucoup de sens de savoir comment. Enfin, il faut savoir comment on poursuit la courbe. C'est savoir vers quoi on va. Voilà. Non, mais on ne peut pas le savoir à l'heure actuelle. C'est ça qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire. On a des promesses qui sont trop limité dans le temps et trop imprécise encore et pour certains pays extrêmement basse. Les pays pétroliers ont franchement des INDC pratiquement INDC qui sont, pour nos auditeurs, leur contribution volontaire oui. Là qui sont soit incompréhensibles, pas clairs du tout. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, enfin, le Qatar en termes de production de CO2, je suis pas sûr que en ce moment oui, mais si vous voulez volume. C'est quand même l'horizon des énergies fossiles. Oui, si clair. Ces pays n'envisagent pas que il y a un après énergie fossile, ça grève aussi cette perspective. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, l'importance de la renégociation va être, et de ce qui se passera après 2030 après, est essentielle pour apprécier ce que sera l'état du climat en fin de siècle. Je pense que dans tous les cas, quand on regarde les chiffres, on va faire un effort, pour se proposer un effort, on l'espère, au moment de la conférence de Paris, mais il faut ensuite enclencher une vitesse supérieure pour en termes de réduction des émissions, dans tous les cas de figure, pour essayer de rester sous les 2 degrés. Voilà, parce que ce qui est aujourd'hui, ce qui a été fait comme constat, c'est quand même ce qui était très très bien expliqué dans le train du climat auquel vous avez participé, où on voit que depuis 10 ans, si vous voulez, on est sur la courbe, en fait, la pire, c'est-à-dire voilà. Celle qui conduit plutôt à 4 ou 5 degrés ouais. D'augmentation de la température à la fin du siècle, et que donc on s'éloigne très fortement de cette courbe vertueuse qui nous amènerait à limiter à 2 degrés. Ouais. Un petit signe d'espoir quand même, un petit signe d'espoir. Donc hier sont sorties les statistiques officielles pour les émissions 2014 et entre 2013 et 2014, l'augmentation des émissions n'a été que de 0,5%, c'est-à-dire moins rapide que les années précédentes, ça pouvait être jusqu'à l'ordre de 2%, et surtout découplé du PIB, c'est-à-dire que disons, la croissance économique mondiale, je parle bien, était de l'ordre de 3%, et ceci avec une augmentation des émissions de 0,5%. La Chine a fait un effort quand même en termes développe le renouvelable, fait peut-être un peu plus attention. Donc c'est un petit signe d'espoir. On est encore loin du compte, mais quelquefois il faut aussi, je pense, énoncer ces signes d'espoir parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Donc il y a une inflexion de la courbe. Voilà. Oui, ça continue enfin, à augmenter. C'est-à-dire c'est l'augmentation qui est réduite. Non, c'est bien. On est loin d'une diminution. La Chine a aussi reconnu qu'elle s'était trompée dans la façon dont elle avait donné ses chiffres. Ouais. Il y a 10 jours, elle a revu à la hausse le montant de ces émissions de l'année 2014. Donc je ne sais pas comment ces statistiques générales ont été calculées, si c'était avant la reconnaissance de l'erreur chinoise ou pas, qu'elle a elle-même donnée, parce qu'il n'y avait peu d'éléments tangibles pour conforter l'idée qu'il y avait une telle différence entre 2013 et 2014 de la part de la Chine. France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti. Nous débattons aujourd'hui de la question adaptation au réchauffement climatique. Quel rôle pour la science avec nos invités? Amie Dahan, historienne des sciences, directrice de recherche au CNRS, au Centre Alexandre Coiret. Hervé Letreux, climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace et contributeur du GIEC. Et Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, vice-président du groupe du GIEC, le groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015. Alors, le sujet d'aujourd'hui se comprend d'autant mieux que vous avez fait ce point sur l'évolution en cours. C'est-à-dire, on sent que de toute façon, la perspective d'éviter toute nécessité d'une adaptation au réchauffement climatique, quasiment nulle. Cette perspective, il faut donc la modifier et entrer dans une phase où il va falloir réfléchir à l'adaptation à un réchauffement de toute façon qui va avoir lieu, qui a déjà lieu, puisque on peut, et c'est ce que je disais en introduction, on a fait un petit tour des conséquences le 30 octobre dans Sciences Publiques sur la France entière, et on a vu qu'il y avait énormément de signes. Alors justement, Hervé Letreut, vous travaillé sur le cas de l'Aquitaine, vous avez fait ce travail sur les moyens de s'adapter au réchauffement climatique dans cette région. Quels sont les grands résultats que vous avez obtenus avec cette étude? Alors d'abord, c'est un travail collectif. Peut-être que la première chose qui m'a surpris, il s'agit de donner un peu une image de ce que pourrait être une région soumise à un réchauffement. Alors on est ici de série 2 degrés, 4 degrés, on a toujours un petit peu de mal à trouver des données qui soient aussi précises, mais l'information est extrêmement large et présente. On a trouvé une centaine de scientifiques qui étaient des chefs d'équipe, des chefs de laboratoire pour parler de la forêt, de la vigne, de la côte, des montagnes, des poissons. Donc il y a une expertise très grande, et je crois que la première des réflexions que ça m'a donné, c'est que je crois qu'un des problèmes que l'on a pour se confronter au changement climatique, c'est de donner une image à ce que sera le changement climatique dans le futur. On a tout ce qu'il faut pour le faire, et je crois qu'il faut le faire. Alors, l'autre point, c'est probablement que, à l'échelle d'une région, beaucoup de choses sont interdépendantes, et qu'on mesure aussi le très fort qui lie, en fait, l'adaptation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, effectivement, se protéger des vagues de chaleur, des migrations d'espèces, des problèmes de culture, des transitions de faune et de flore dans les montagnes. Donc, tout ça existe, des régimes des fleuves qui peuvent changer. Et en même temps, se placer dans un contexte qui est un contexte d'une société avec ses problèmes, avec ses inégalités, et puis aussi avec cette double perspective, celle d'essayer peut-être de contribuer en même temps à l'atténuation, c'est-à-dire que à l'échelle d'une région, il n'y a pas de frontière aussi claire entre ce qui relève de... Il n'y a pas d'opposition. Pas d'opposition entre ce qui relève de l'adaptation au changement climatique. On pense, par exemple, à l'habitat, on pense aux infrastructures de transport. Tout ça, c'est à la fois des problèmes qui peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'adaptation d'un territoire à des conditions climatiques différentes. Et puis en Aquitaine, par exemple, il y a des choses très précises. Il y a à la fois, par exemple, la Garonne, qui est un des fleuves qui, semble-t-il, va être le plus touché par les changements de débit liés au réchauffement. Il y a aussi le Bordeaux et la culture de la vigne, qui, là aussi, est un marqueur assez fort. Alors, il y a beaucoup de marqueurs du changement. Si on parle du vin, les marqueurs très symboliques, c'est le degré alcoolique qui augmente. La date des vendanges. Les dates de vendanges, et les interrogations sur l'intérêt éventuel à changer de cépage, en sachant tout ce que ça peut représenter dans un terroir qui vit de ses traditions, de l'image de son vin. Donc, il y a effectivement, je pense qu'il y a aussi dans l'adaptation la nécessité du débat public. Pas un autre exemple, justement, mais qui peut-être est lié au vignoble. Les bords de la Gironde sont en partie submersibles en fin du siècle. Il y a des études qui montrent effectivement toute une frange qui peut être submergée de manière régulière. Quand on parle d'urgence climatique, on pense souvent à l'atténuation, à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. On a vu que le CO2 reste longtemps, on a une urgence absolue. Il faut s'en débarrasser tout de suite. Tout le temps qu'on perd, c'est un temps qu'on aura du mal à rattraper puisqu'il n'y a pas de retour. Par contre, les gaz à effet de serre agissent avec un certain délai sur le climat, parce que il faut que l'océan se réchauffe, ça prend quelques décennies. J'avais que ce temps-là, c'est un peu un temps qui est court, mais qui est un temps de démocratie, de débat. Est-ce que les régions qui sont submersibles, on a deux options. On peut les protéger avec des digues, ou on peut dire qu'on les protégera pas, et alors on a un peu de temps pour permettre aux gens d'anticiper, de savoir ce qu'ils vont faire. Donc, je crois que de s'installer un peu plus loin. De s'installer un petit peu plus loin, voilà. Même chose le long du littoral sableux. Il y a une ville comme Lacanau qui est au bord de l'eau, qu'on lui donne, elle a le temps de se réfugier derrière la dune. Probablement le temps. Donc, il y a des débats. Lacanau, c'est là où il y avait cet immeuble. Non, c'est un peu plus au nord, à Soulac, qui est cet immeuble. Le fameux signal. Voilà, le signal qui lui est tombé dans l'eau et qui est aussi effectivement une zone, mais pour des raisons plus naturelles, parce qu'elle est en fin d'estuaire et tout près de l'eau. Oui. Jean Jouzel, sur cette adaptation. Oui, alors, sur cette adaptation, alors deux ou trois points. D'abord, j'aimerais citer un très beau reportage sur Soir 3 hier, s'appuyant complètement sur le travail collectif, d'ailleurs ça a été cité, qu'a mis en œuvre, Hervé avec tous ses collègues d'Aquitaine. Il est en train de faire des émules, hein, disons dans le Nord, dans le PACA. Moi-même j'ai accepté le principe de le faire dans les Pays de la Loire, mais je l'espère dans le Grand Ouest. Et donc je pense que c'est la façon de voir l'adaptation. Les territoires sont tous un peu différents. Tous les territoires sont vulnérables, mais de façon différente par rapport au réchauffement climatique. Alors, par rapport à l'adaptation, de façon plus globale, il faut quand même bien comprendre, je crois que l'idée de l'objectif 2 degrés, ça, c'est vraiment l'adaptation. C'est l'idée que si on y arrivait, je l'espère quand même, mais ça va être difficile, on pourrait s'adapter au réchauffement climatique pour l'essentiel. C'est bien ça. Oui, c'est l'idée qu'il n'y ait pas un effort d'adaptation trop important, justement. Voilà, c'est quand même bien l'idée du 2 degrés, hein, auquel on peut adhérer. Alors, certains pays préféraient un réchauffement d'un degré et demi, c'est-à-dire un degré par rapport à l'actuel, mais ça, c'est un point. Donc, moi, je me suis aussi intéressé à l'adaptation, mais de façon, et je pense qu'elle se fait dans les territoires, je me suis intéressé au niveau national. J'ai été il y a un plan national d'adaptation au changement climatique qui a été mis en place par l'ONERC depuis une dizaine d'années et finalisé en 2010. Et donc j'ai participé à beaucoup de réunions sur tous les secteurs, justement, les aspects sectoriels. Et on voit tous les aspects sont touchés, qu'on va être de l'énergie, du tourisme, bien sûr, les aspects touchés mentionnés par Hervé, l'agriculture, les réserves en eau, tous les aspects sont touchés. Ça, c'est très, très important. Et puis, je m'y suis intéressé également. Donc, je suis au Conseil économique, social et environnemental. On a fait avec Antoine Monduel un avis sur l'adaptation qui nous a permis, effectivement, de... En gros, la France s'est dotée d'un plan d'adaptation, c'est certainement très très bien, mais c'est justement la déclinaison de ce plan d'adaptation, c'est pour ça que je félicite Hervé, en tout cas. Après, il faut voir les mesures qui sont prises à partir de ton rapport, c'est ça que je veux dire, mais je félicite Hervé de sa démarche, parce que effectivement, c'est ce qu'il faut faire, il faut réfléchir territoire par territoire, pas forcément région par région, mais grande partie de la France, et c'est aussi dans ce contexte que j'ai été en charge de coordonner alors un rapport, hein, c'est bien dans le cadre du plan d'adaptation, où chaque année, on a essayé de faire des rapports sur... J'étais simplement aussi coordonnateur, il y avait beaucoup de gens de l'IPSL, de Météo France et d'autres institutions pour produire effectivement un rapport sur le climat de la France au XXIe siècle avec cette idée qu'on peut s'adapter, la meilleure façon... Bon, c'est beaucoup plus facile de s'adapter si on connaît un peu ce à quoi on doit s'adapter, sachant qu'il y a des incertitudes. Mais moi, c'était plus ma démarche, mais je pense que celle au niveau territoire est extrêmement importante et qu'il faut la poursuivre. Ami Dahan, on voit que donc là on entre dans une autre perspective, c'est plus le même regard qu'on porte sur le réchauffement, au lieu d'essayer, mais tout en continuant plutôt à essayer de le limiter, on entre déjà dans la phase où on cherche des solutions pour s'adapter. Est-ce que ça doit, de votre point de vue, avoir un impact par exemple sur le fonctionnement du GIEC, sur les différentes disciplines qui composent aujourd'hui ce panel d'experts par exemple? D'abord, je voudrais dire une chose, en écoutant Hervé et aussi Jean Jouzel, on se rend compte un peu, comme c'est assez compliqué, il faut un haut degré de compétences scientifiques, etc., pour réunir des équipes, pour, par exemple, comme sur le pays de l'Aquitaine, essayer de penser quels seraient les impacts, suivant évidemment le réchauffement, la hauteur du réchauffement, et les solutions. Et donc, ça me donne, si vous voulez, ça m'amène à réfléchir sur, vous vous rendez compte, dans la négociation, quand on parle de l'adaptation, la complexité que c'est pour tous les pays, en particulier les pays pauvres, les pays en développement, etc., qui ont fait monter pas mal ce thème dans la négociation depuis 2002, en gros, en profitant un peu de la stagnation du processus. Voilà, ils ont fait monter ces revendications qui sont les leurs. Mais en même temps, pour chacun de ces pays, quelle doit être l'adaptation? On le sait pas beaucoup, hein. Et donc, on voit, c'est déjà différent pour les régions françaises. Évidemment, on voit la différence déjà entre l'Aquitaine, PACA, le Nord, etc. Alors, vous imaginez. Alors, on a des idées extrêmement sommaires. On va construire des digues, on va faire des ponts. Et en plus, avec l'idée aussi, qu'il faut bien constater, c'est que autant, et là ça nous ramène à la discussion sur les finances, autant le financement pour la décarbonisation, on voit à peu près, mais pour l'adaptation, c'est tellement différencié, la plupart des entreprises, de l'argent, des partenariats privés-publics, puisque maintenant cet argent, il doit venir aussi du privé et du public pour l'adaptation, il ne va pas naturellement pour l'adaptation. Les pays pauvres disent que dans les 62 milliards que l'OCDE a identifiés comme existant déjà, parmi les 100 milliards promis, eh bien, il n'y avait que 16% qui allaient pour l'adaptation. C'est très peu. Mais aussi parce que tous ces gens qui voudraient éventuellement à investir, ils préfèrent investir dans les pays émergents, où il va y avoir du business à faire, etc., plutôt que d'aider des pays beaucoup plus démunis à renforcer leur résilience, etc. Donc déjà, c'est dans ce paysage-là qu'il faut penser aussi l'effort nouveau que le groupe 2 du GIEC, notamment, devra développer. Hervé Le Trut. Oui, je pense que je voudrais rebondir sur ce problème effectivement des régions du Sud. Moi, j'ai pris beaucoup d'intérêt à faire ce rapport sur une région qui est la mienne, celle où j'étais éduqué. Et je crois que c'est important en termes pédagogiques d'avoir ce regard précis sur les choses et de pas toujours être confronté à des chiffres très très généraux comme les 2 degrés. Mais il y a une différence structurelle entre ce que représente le changement climatique pour les pays du Sud et pour les pays des zones tempérées. Dans les régions du Sud, on a souvent des climats qui sont très différents au niveau du fonctionnement de la circulation atmosphérique, avec une saison des pluies ou 2 saisons des pluies selon les endroits, ou pas de saison des pluies du tout. Donc quand on a une saison des pluies et qu'elle n'est plus là, et que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, on a des changements climatiques qui ont un impact vital. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu la Seine sans du tout d'eau, mais ça peut arriver pour certaines rivières dans le Sud. Donc on est dans des situations qui sont très différentes. Il y a aussi des systèmes beaucoup plus violents, les cyclones. Et puis il y a aussi dans certaines de ces régions, en Afrique, en Inde, une croissance démographique qui n'est pas contrôlée. Donc il y a des facteurs qui font que l'adaptation est beaucoup plus difficile dans certaines régions du monde que d'autres. Il faut garder ça absolument en tête quand on parle de ce dossier. Alors, le chiffre que citait Amit Dahan est intéressant, c'est-à-dire qu'il démontre ces 16% seulement consacrés à l'adaptation dans les 62 milliards qui sont déjà rassemblés pour aider les pays en difficulté. On voit que donc l'idée de l'adaptation n'est pas encore complètement installée. On n'a pas basculé, peut-être, ou trouvé un équilibre entre les démarches d'atténuation et celles de l'adaptation, Jean-Joseph. Oui, c'est assez difficile pour ces pays. J'étais il y a une quinzaine de jours à Khartoum, et effectivement, dire aux Soudanais que, tant qu'ils demandent avant tout de l'aide pour l'adaptation, leur dire aussi que, ce serait quand même mieux qu'ils regardent un peu aussi l'atténuation, leur façon de se développer. On peut penser à, disons, aux énergies renouvelables. D'ailleurs, ils ont dans leur contribution, ils ont mis une part d'énergie renouvelable, mais leur vrai souci, leur premier souci, c'est l'adaptation. Il faut bien comprendre que parmi les pays vulnérables, il y a tous ces pays d'Afrique qui ont déjà eu du mal à développer parce que leur climat n'est pas favorable. à un véritable développement. Hein, donc ces régions semi-arides, bon, qu'on parle de la Corne de l'Afrique, du Sahel ou jusqu'au évidemment le Moyen-Orient ou d'autres déserts de par le monde, mais qui sont pas habités. Mais là, ces régions sont effectivement très habitées. Donc c'est extrêmement difficile. Les autres vulnérabilités, c'est tous ces pays avec beaucoup de populations, dans des régions côtières qui sont vulnérables à des élévations du niveau de la mer de quelques dizaines de centimètres. On pense au Bangladesh, mais il y a aussi d'autres régions de l'Asie du Sud-Est et d'autres régions de par le monde. Mais il y a une vulnérabilité que le GIEC souligne et qui me semble intéressante et qu'on oublie peut-être aussi. Alors, c'est pas du tout, hein, les pays du Sud, bien sûr, doivent être aidés, mais le GIEC souligne aussi que les couches pauvres des populations, enfin, les couches pauvres des populations pauvres des pays riches sont très très vulnérables au réchauffement climatique et je crois qu'on l'oublie. Hein. Donc, là aussi, au CESE, on a fait un rapport, enfin, pas moi-même, Pierrette Crosemary, rapporteur, était sur les inégalités sociales et les inégalités environnementales. On voit bien que c'est les plus fragiles par rapport à l'environnement sont généralement les couches les plus pauvres. Et c'est aussi peut-être quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais bien sûr, la priorité, c'est d'aider. Je pense qu'il faut aider ces pays vulnérables de l'Afrique, en particulier, bien sûr, à s'adapter, mais il faut aussi les encourager à se développer d'une façon différente de la nôtre. Et ça, c'est l'idée du Fonds vert. L'idée, c'est quand même moitié-moitié. Alors, Ami a tout à fait raison. Dans les 60 milliards d'euros mis sur la table pour le moment par l'OCDE, c'est pas ça. Donc, il faudrait que le reste soit sur l'adaptation. Mais actuellement, l'idée de ce fonds de 100 milliards, c'est à peu près de consacrer la moitié à l'adaptation et la moitié, à l'atténuation, à des mesures qui permettent de diminuer les émissions dans ces pays. Alors l'adaptation, ça pose peut-être d'autres problématiques. C'est-à-dire on n'est plus dans simplement la physique de l'atmosphère, la climatologie. On est dans l'impact humain aussi de ces de ce phénomène et dans la façon de s'y adapter. Amis d'avant, est-ce que ça veut dire que d'autres disciplines, en particulier la vôtre ou celles auxquelles vous appartenez, plutôt les sciences humaines et sociales, vont être mises à contribution de façon beaucoup plus importante que jusqu'à présent? Oui, ben, vous savez très bien qu'il y a eu déjà depuis quelques années des communautés épistémiques, comme on dit, des groupes de disciplines, des scientifiques comme des géographes, etc., qui faisaient un certain nombre de critiques au GIEC en disant que, en particulier dans les pays pauvres et les pays en développement les moins avancés, eh bien, le climat n'était qu'une variable parmi un ensemble d'autres pour appréhender une situation sociale et essayer de l'améliorer et de l'avancer. Et je crois que ça voulait dire aussi que parmi les sciences humaines et sociales qui avaient un peu pignon sur rue dans le GIEC, il y avait l'économie et peu d'autres choses. Pas d'anthropologie, pas de géographie, pas de sociologie, etc. Or, on sait très bien que pour que des politiques soient mises en œuvre dans un certain nombre de pays, il faut quand même que les populations soient concernées, se mettent en mouvement, adhèrent, etc. Et puis qu'on identifie les différents facteurs qui font la vulnérabilité des pays, qui ne tiennent pas uniquement au climat. Je crois que ça, voilà, c'était ça l'idée. Il me semble que déjà dans le groupe 2 du GIEC, tel que il a évolué depuis le 4e et le 5e rapport, il y a eu une intégration progressive de certaines disciplines, de l'anthropologie, de la géographie. Donc pour préciser, groupe 1, c'est vraiment l'aspect scientifique. Oui. Oui, la et groupe 2 C'est les vulnérabilités, voilà. Les impacts, etc. Et le 3, c'est les réponses. Mais peut-être que les réponses aussi, il y a beaucoup à faire pour le groupe 3, me semble-t-il. Beaucoup à faire. Parce que le groupe 3, c'est les réponses, mais les réponses, elles sont jusqu'ici, principalement des réponses en termes de scénarios économiques et en termes, si vous voulez, d'adéquation à finalement la science économique hégémonique. Or, aujourd'hui, la science économique hégémonique, elle est, on le sait, assez contestée à droite et à gauche. Et donc, peut-être qu'il faut aussi imaginer que dans le cadre d'une économie véritablement de l'effet de serre, il y ait des approches différentes qui puissent intervenir, plus matérielles, plus concrètes, et qui soient intégrées, je crois, éventuellement aussi au groupe 3 du GIEC. Ce qui n'est pas le cas, y compris dans le dernier rapport. France Culture, Sciences Publiques. Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question adaptation au réchauffement climatique. Quel rôle pour la science avec nos invités? Amy Dahan, historienne des sciences, directrice de recherche au CNRS, au centre Alexandre Coiré. Hervé Le Treut, climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace et membre du GIEC. Et Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, vice-président du groupe scientifique du GIEC de 2002 à 2015. Alors cette adaptation, effectivement, est-ce que le GIEC doit évoluer pour la prendre en compte de façon plus importante que jusqu'à présent? Amy Dahan a souligné que les groupes 2 et peut-être aussi le groupe 3 avaient peut-être encore à évoluer dans ce domaine. Quel est votre sentiment, Hervé Le Treut? Oui, enfin moi j'ai participé au groupe 2 du GIEC dans le dernier exercice. C'est un groupe qui a effectivement saisi le thème de l'adaptation comme son thème principal, avec une entrée en force de beaucoup de réflexions à caractère sociologique, anthropologique, dans des choses qui n'existaient pas avant dans les différents rapports du GIEC. Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a un mouvement qui va dans le bon sens et qu'il faut prolonger. Je dirais qu'il y a deux choses dans ce domaine. Il y a effectivement avoir des tissus de recherche interdisciplinaire, puis aussi de l'expertise interdisciplinaire. C'est un petit peu différent, je pense, donc qui s'attaque à des problèmes concrets et qui essaie de faire le bilan de tout ce qu'on sait par rapport à ces problèmes-là. Mais je crois qu'effectivement, il faut surtout faire très attention à ce que l'adaptation ne soit pas prescrite par la communauté scientifique. La communauté scientifique doit agir dans le respect de toutes les règles de la démocratie, de tous les acteurs qui se manifestent. On a des acteurs qui sont des associations, qui sont des entreprises. Donc, dès qu'on parle d'adaptation, on parle d'un tissu qui se résume pas, qui peut pas se résumer à une analyse scientifique. Donc je crois que dès qu'on parle d'adaptation, on doit avoir une sorte de triptyque qui est celui des décideurs élus dans les pays, en tout cas où les gens sont élus et donc des décideurs. Et puis la société civile active, et puis l'expertise scientifique. Je crois qu'on doit rester dans ce triptyque-là. L'adaptation ne peut pas être une seule affaire de diagnostic scientifique. En même temps, la science peut apporter... Et la science doit apporter. Doit apporter une aide à la décision. Elle doit faire une interaction avec tout cela. Jean Jouzel. Oui, moi, je me suis bien sûr intéressé au cinquième rapport du GIEC, mais je suis tout à fait Hervé. Il y a quand même eu un progrès de fait sur l'adaptation. Donc Hervé l'a vécu de l'intérieur, puisqu'il était auteur dans cette partie. Mais il y a eu un réel progrès de fait entre le quatrième rapport du GIEC et le cinquième rapport du GIEC pour la part de l'adaptation qui en émane. Vraiment, il y a une réelle réflexion sur l'adaptation. Elle est probablement pas encore suffisante, mais en ce sens, je crois qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut poursuivre. Et j'espère bien sûr que le sixième rapport du GIEC, qui va se mettre en route très rapidement, qui est en train de se mettre en route, va encore apporter un éclairage beaucoup plus... Alors, il doit être à la fois précis, mais là aussi ouvert. Hein, c'est un éclairage très ouvert à partir d'expériences de terrain, à partir... Bien sûr, il y a aussi des aspects scientifiques. Mieux, plus on sera capable, disons je dirais, les aspects scientifiques, plus on les maîtrisera, plus on aura une... vision la plus juste possible. Elle sera toujours avec beaucoup avec des incertitudes sur les précipitations aussi. Et tout ça. Donc on voit bien que c'est pas l'adaptation toute seule. Il faut aussi le groupe scientifique apporte vraiment son écho. Et il y a toute une réflexion. Et là, c'est vraiment interdisciplinaire ou pluridisciplinaire ou transdisciplinaire. C'est ça qui est formidable, parce que je dis pas qu'Amy Dahan n'a pas son mot à dire sur le groupe 1. Elle l'a fait d'ailleurs à juste titre, c'est pas le problème. Mais il y a vraiment cet effort à faire qui commence à se faire. Alors c'est pas assez, mais je voudrais quand même peut-être souligner qu'il y a eu un effort de fait d'avoir plus de disciplines. Toutes les disciplines doivent être là, hein, que les disciplines de santé, tout le monde est intéressé par cette adaptation. Alors cette ouverture finalement à d'autres disciplines, elle passe probablement par un dialogue entre ces disciplines sur ces sujets-là, et qui est un dialogue nécessaire. Or, c'est difficile de pas citer cette étude qui a été publiée le 12 octobre et qui montre que les rapports du GIEC ne brilleraient pas par leur transparence et au contraire seraient difficiles à comprendre même par les décideurs, même concernant cette fameuse synthèse qui leur est destiné aux décideurs. Et donc il y a un problème probablement de communication qui reste important au GIEC et qui, dans la nouvelle phase où l'adaptation sera remise un peu plus en évidence, risque de poser problème. Amy Dahan. Oui, je pense que c'est vrai que quand on assiste au rapport de ratification, on voit bien que comme c'est un processus politique aussi, à la difficulté d'un certain nombre de concepts, qui est quand même une difficulté intrinsèque. Hein. La température moyenne du globe, pour un certain nombre de gens, c'est pas clair. Le budget carbone de l'atmosphère, c'est un concept difficile quand même. Il y a un certain nombre de concepts abstraits qui ne sont pas directement opérables pour les politiques, ou du moins difficilement. Donc il y a déjà cela, mais je crois aussi que, de façon générale, si vous voulez, il me semble que l'enjeu aujourd'hui, c'est quand même, au-delà de même la division adaptation, réduction, c'est de faire émerger le fait que la solution au problème climatique est aussi une solution qui est bénéfique pour le développement humain en général de tous les pays. Peut participer à la résolution d'un certain nombre de contradictions très fortes que connaissent nos sociétés, tant nos sociétés du Nord d'ailleurs, que chômage, inégalité, etc., que des sociétés du Sud, développement bas carbone et tout. Si on n'a pas un projet comme ça qui arrive à exprimer un espoir un peu qui transcende la seule question climatique, mais qui englobe d'autres problèmes, il me semble qu'on n'arrivera pas à mettre en marche les sociétés pour cela. Et malgré la vigilance des sociétés civiles, etc., il faut qu'il y ait quelque chose qui nous porte. Et voilà. Et ça, c'est vrai que le langage du GIEC, des rapports, des résumés, est encore un peu abscon pour susciter ça. Mais voilà, c'est pas non plus leur seule responsabilité. Bien entendu, mais Hervé Le Treut, est-ce qu'il n'y a pas nécessité, au-delà de ce rapport, dont finalement la partie la plus accessible est celle qui a été conçue pour être adressé et donc qui vise les décideurs politiques. Donc là, il y a un effort maximal du GIEC qui malheureusement a l'air de se heurter quand même à des difficultés de compréhension. Mais alors pour le grand public qui ne fait pas partie des décideurs et pour cette société dont parle Amit Dahan qui doit être mobilisée, qui doit se mettre en marche, est-ce que les rapports du GIEC tels qu'ils existent aujourd'hui sont la meilleure forme de communication, Hervé Le Treut? Je pense que ça fait partie ça correspond à une part indispensable de la communication. C'est peut-être pas la seule qui est nécessaire. Donc, le GIEC a fait un travail qui est, je dirais, un travail de synthèse pour avoir un texte qui soit le résultat du travail de tous, accepté par tous, à l'unanimité, voté, c'est-à-dire vérifié comme étant un texte de consensus au mot près. C'est très difficile une fois qu'on a établi ce texte, qui est nécessairement technique, parce qu'il touche à des sujets techniques, en le validant au mot près. On ne voit pas comment la pédagogie pourrait absolument être introduite dans ce processus. Voilà, le processus n'est pas un processus de pédagogie, et c'est pas le GIEC qui a fait ce travail-là, d'avoir un texte incontestable, de le traduire immédiatement avec des mots simples qui seront contestables. Le problème, c'est que personne ne fait cette traduction après. Il faut qu'il y ait une saisine du texte. Si, beaucoup de gens le font, mais je pense que peut-être ça peut être justement l'occasion, dans cette traduction, de renforcer l'interdisciplinarité, et puis surtout de faire quelque chose qui est très important, c'est d'amener la science à une interface de plus en plus proche de ce que peut être le processus de décision politique. On voit qu'un autre problème du GIEC, c'est la lourdeur d'un travail comme celui qu'il a accompli et qui est nécessaire. Encore une fois, les cycles de répétition du GIEC, c'est un cycle de 5 ans au départ, 6 ans maintenant. Donc il y a entre deux rapports du temps qui se passent. On voit qu'il n'y a pas de rapport du GIEC sur les INDC qui viennent de sortir, sur les contributions des États, parce que c'est un temps qui est trop court. Donc il y a un moment, il faut certainement essayer d'amener. Et alors, qui doit le faire? Ça peut se faire dans chaque État, ça peut se faire peut-être à une échelle plus intégrée. Je crois qu'il y a certainement une réflexion à avoir à ce niveau-là. Comment on amène... Alors on a fait une grande conférence en juillet à l'UNESCO qui traitait de ce processus-là, justement. Comment amener la science et les scientifiques à être au plus près des enjeux politiques. Je pense qu'il y a une forte volonté de la communauté scientifique de jouer ce rôle-là. Il faut l'exploiter. Jean-Jouzel, comment pourrait-on mettre une traduction plus accessible des travaux du GIEC? Donc, la difficulté de lecture des rapports pour décideurs du GIEC tient au processus lui-même. Le fait que, Hervé l'a dit, que disons, ce rapport, ce résumé pour décideurs est approuvé ligne à ligne et qu'on ne peut pas le changer. Et je vous assure, ça fait des phrases longues, mais ce sont les décideurs eux-mêmes qui aussi, font que ce n'est pas très clair. Mais pour moi, c'est aussi ça qui fait la force du GIEC. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous adresser à la population, D'accord, Michel, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est effectivement passer du temps à expliquer. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est justement, moi, je pense qu'on a besoin de passeurs, de médias. On s'exprime, je crois, l'intérêt des rapports du GIEC, c'est que toute notre communauté scientifique, on a un socle commun sur lequel, d'ailleurs, chacun s'exprime de façon un peu différente. Des points d'accroche ne sont pas les mêmes pour Hervé, Ami ou moi, mais on a un socle commun de connaissances, et c'est aussi à nous, et je crois qu'on essaye de le faire collectivement, finalement, d'aller avec les médias, à travers des articles peut-être plus simples, mais il faut savoir que, moi je pense que le rapport du GIEC, l'objectif du rapport du GIEC, c'est quoi? Et il est atteint, c'est quand même grâce à ce processus d'adoption, finalement, de donner aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils prennent leurs décisions. Surtout atteint lorsque des décisions seront appliquées. On verra, mais la réalité, c'est quand même, le processus est tel qu'il n'y aura pratiquement pas à l'ouverture de la conférence de Paris de remise en cause du cinquième rapport du GIEC, et que quand même, pour la plupart des négociateurs, ce sont vraiment les rapports du GIEC qui servent de livre de chevet aux négociations. Ce dont on m'a parlé, c'est les 800 milliards de tonnes de carbone qui restent à faire. Tout ça, ce sont les chiffres du GIEC qui vont être là. Pas pour les 100 milliards, c'est différent, mais pour les chiffres scientifiques. Donc c'est d'un autre côté une réussite, mais cette réussite elle-même, disons cette dualité entre la communauté scientifique et disons la convention, les politiques, cette dualité qui est réelle, est un succès, mais elle alourdit considérablement les textes, et ça je l'admets, et donc il faut alléger nous-mêmes, il faut participer, je pense, à une médiation, mais vous le faites très bien les journalistes. Ami Dahan, est-ce qu'il y a besoin en dehors des médias, qui jouent leur rôle évidemment, d'une interprétation de ces textes qui soit d'ailleurs aussi peut-être utile dans le cas de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut aussi que d'autres disciplines, de la physique et de la climatologie. Je pense que d'une certaine façon, et ça se passe pas si mal entre nous, si on a des fois des petites approches différentes, mais finalement, les sciences sociales... Les sciences sociales qui suivent ce dossier, les chercheurs, mais malheureusement ils sont pas si nombreux en France. Et pourquoi? Eh ben oui, mais parce que ils n'ont pas été très aidés par les institutions françaises. C'est-à-dire qu'en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, il existe des instituts qui réunissent des scientifiques des sciences du climat, plus dures, disons. Et des sciences sociales, et donc ça donne une force, etc. Nous, on le fait. France, ça reste séparé. C'est des toutes petites équipes. C'est des toutes petites équipes qui sont à droite, à gauche, qui se sont investies avec une grande liberté, parce qu'en France, les institutions de recherche sont libres. On s'engage dans un sujet, on est passionné. Personne ne vous, si vous faites du travail correct, eh ben on va pas vous brimer. Mais on bénéficie de peu de soutien. Et de fait, aussi, peut-être, parce que on n'éprouve pas forcément le besoin pour les décideurs de cette parole-là. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais un institut un peu transdisciplinaire, plus équilibré entre sciences humaines et sociales et sciences dures, est-ce que ça manque en non, France? On en a discuté, Hervé, on en a discuté. Ah, parce que vous en avez discuté, c'est que déjà, voilà, au niveau de l'IPSL, on en a discuté. Il nous reste une minute pour régler ce problème. Non, je pense qu'il y a un institut où il peut y avoir des formes de collaboration. Je crois qu'on peut différencier de ce point de vue-là la recherche. Le travail de recherche, c'est très spécifique, ça prend beaucoup de temps. Et puis, l'expertise. Je pense qu'on doit avoir au minimum des domaines d'expertise transdisciplinaire au niveau national qui soient un peu plus développés. Oui. Ça veut dire qu'il manque quelque chose aujourd'hui, Jean-Joseph? Alors, je peux donner un exemple de ce qui a probablement bien marché, ce qui est le GIS Climat Société. Donc, c'est Sylvie Joussaume qui l'a mis en place. Il y a quand même vraiment, en tout cas, c'est ce rapport Climat Société qui est en place depuis 5 ans ou 5-6 ans maintenant et qui a quand même peut-être aidé à cette... Bien sûr, il a été très utile, il n'est pas pérennisé. C'est exactement ce que je voulais dire. Maintenant, il faudrait pérenniser ce genre d'approche et ce genre d'institut. Très bien, ce sont sur ces mots et sur ce souhait que le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Ami Dahan, Hervé Le Treut et Jean Jouzel d'y avoir participé. Sur notre site, vous pouvez trouver des liens avec les organismes dont nous avons parlé, la COP21 bien sûr et le GIEC, ainsi qu'avec l'ouvrage sur les impacts du changement climatique en Aquitaine, publié par les presses universitaires de Bordeaux et qui rencontre du travail dirigé par Hervé Le Treut. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Et vous pouvez bien entendu nous faire part de vos témoignages sur ce site. La semaine prochaine, vendredi 4 décembre, Sciences Publiques vous proposera son émission mensuelle réalisée en partenariat avec le magazine Science et Vie. En pleine COP21, nous resterons sur la question du réchauffement climatique en l'abordant sous l'angle controversé de la géo-ingénierie. La tentation est grande face aux difficultés dont nous avons parlé aujourd'hui, posées par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de tenter d'agir sur le réchauffement en le limitant par d'autres moyens. Si la plupart de ces moyens relèvent d'une approche d'apprenti sorcier, certains, comme les puits de carbone par exemple, pourraient jouer un rôle positif. Nous en débattrons avec nos invités, parmi lesquels Pierre Barré et Thomas Gasser. Sciences Publiques, Dany Journeau, Jean-Guy Lamège, Marie Dalquier, Michel Albergantin. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous et excellent après-midi sur France Culture.